famille, tu vas? Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ça va, tranquille. Bon, y'a la pierre, c'est tout là, alors. Ta mère de lui là? Ouais, tu m'en écoutes. Bon, bah, moi je vais le discours en attendant. Bah, tu prends après? Ouais, ok. Tu me gardes un ballon? Allez, crache le morceau, c'est cool. Ce coup-là, c'est foutu pour toi et ta clip de branleur. Dis-moi tout, j'ai rien à dire là. Où caches-tu Kobayashi? Mets une main droite sur chichi, c'est cool. Un conseil, réfléchis. Mon pote, prends ça dans la fiole, tu l'as pas volé. On me surnomme la machine à baffe, mon bonhomme. Joue pas les marioles, façon vous êtes marron. Toi et tes larrons, allez, pique ton sac. Mais quel sac? Joue pas les petits cons, j'connais la combine. La loi du silence, t'es comme la bibine. On boit, on piche, t'ai donné ta chance. Arrête ton disque ou tu vas danser. Celle-là, elle est partie toute seule. Allez, elle s'est plaisantée, tu vas parler. Kobayashi a été kidnappé. Vous m'avez convoqué ici, bloqué sur ce canapé. Mais pourquoi? J'ai rien à me reprocher. Même si mon désir était de lui décocher une droite gauche, est-ce un plaisir faucher son escorte au pas de ma porte pour avoir voulu me saisir? J'ai rien à faire ici, je dirais pas qui c'est qui tire les ficelles, mais qui sait? En tout cas, c'est de la paranoïa. Si tu penses tricard, quelqu'un de ma rue, car chez nous y a pas de balance. Lance plutôt un SOS dans perdu de vue. Où vous allez suer, tu sais, je suis muet comme une carpe carvouée. À mes gars, rien ne s'échappe de ma bouche nouée. Je me fie à personne sauf ma mafia. C'est à la vie, à la mort pour mon croué. Ma familia, dès lors, si tu veux, tu peux m'écrouer. La loi du silence, c'est notre sixième sens. Le pire des péchés chez nous, c'est de balance. La loi du silence, c'est notre sixième sens. Le pire des péchés chez nous, c'est de balance. La loi du silence, c'est notre sixième sens. Le pire des péchés chez nous, c'est de balance. La loi du silence, c'est notre sixième sens. Le pire des péchés chez nous, c'est de balance. Écoute, Tiga, je suis fatigué. T'entends les dégâts, ton pote Zeko est déjà passé aux aveux. Avoue avant que je te torde le cou, avoue, je te secoue ton roue de coups de poing, car tu n'as point le choix, ok? Ce coup-ci, je mets un point d'honneur à être cool. Sois pas bloqué, bois un coup, prends un bout de pain, enlève ton hockey. Tu vois, si tu arrêtes, c'est terre hautain. Si tu coopères, pas de coup de bottin, pas de trace. J'appelle ton beau-père et tu traces. Sinon, j'appelle Bébert au coup de boule pour qu'il t'abîme ton bottin et ta face. Fais pas la boule, pas de chichi. Maître Kobayashi a disparu, mais toi à table, je te réduis en hachi. Tu seras mon cobaye, t'as le choix, on travaille. Ouais, ok. Dans votre regard, je perçois la confiance. Mais pour ma vie, je vous en prie, gardons la loi du silence. Je suis une victime de la vie de rue, du Southside, quand le brouillard fait danse. On côtoie le mauvais chemin, c'est pas la haine qui nous retient. Forcer de jouer au dur, s'imposer comme le parrain à Paris. Juste le pion de trois frères au sacré charisme. C'est tout, c'est leur chef. Non, ses coups de vie sont célèbres, c'est l'aime. Et tu es Lucier d'une chose qui l'aurait sali. Le chef, c'est Boris, au sang plein les gants. Aucun sanglot, la cause à Nostra, voilà son slogan. Kobayashi a atterri dans une cave à pit. Technique de pointe du 13ème, allez vite, rue Saint-Hippolyte. Eh ben merci, bon là, le petit lapissé là aussi, il est où le Kobayashi là? Ouais, c'est bon là. Ben reste. Ouais, ouais, Saint-Hippolyte, tu vois. J'en connais pas trop. Ouais, on voit. Martel, on voit les combats. Ok, on se prépare. Il avait un CD là. Je crois que c'est à lui, c'est quoi ça? Mafia 13. Street Life. Tressé, je crois. Nostra. C'est quoi ça? Tressé, c'est. Un mauvais chemin. Tressé, en espagnol. Oh, le petit con, il m'a doublé. La loi du silence, c'est notre sixième sens. Le pire des péchés chez nous, c'est de balance. La loi du silence, c'est notre sixième sens. Le pire des péchés chez nous, c'est de balance. La loi du silence, c'est notre sixième sens. Le pire des péchés chez nous, c'est de balance. La loi du silence, c'est notre sixième sens. Le pire des péchés chez nous, c'est de balance. La loi du silence, c'est notre sixième sens. Le pire des péchés chez nous, c'est de balance. La loi du silence, c'est notre sixième sens. Le pire des péchés chez nous, c'est de balance. La loi du silence, c'est notre sixième sens. Le pire des péchés chez nous, c'est de balance. La loi du silence, c'est notre sixième sens. Le pire des péchés chez nous, c'est de balance. La loi du silence, c'est notre sixième sens. Le pire des péchés chez nous, c'est de balance. La loi du silence, c'est notre sixième sens. Le pire des péchés chez nous, c'est de balance. La loi du silence, c'est notre sixième sens. Le pire des péchés chez nous, c'est de balance. La loi du silence.